Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan qualifié. Pas par mon mari qui ronfle son canapé ! C'était Easy. Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge compatible avec tout type de véhicule électrique. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est Easy. Voir conditions sur easy-by-edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. L'oxymore se prête assez bien à la description de l'écrivaine anglaise George Eliot. Elle était délicieusement hideuse, disait d'elle Henry James, tandis que Mona Ozouf la décrit comme une athée religieuse, une conservatrice de progrès ou une rationaliste éprise de mystère. C'est que l'autrice de Middlemarch ne se laisse pas enfermer dans des catégories trop strictes. Sa vie durant, elle ne s'en est pas laissée compter et a choisi de vivre à sa manière, avec un homme qu'elle aimait et qui l'aimait en retour, mais avec qui elle ne put jamais se marier dans l'atmosphère moralisante de l'Angleterre victorienne, ainsi que nous l'a raconté Stéphanie Richer-Drouet, c'était au cours de notre premier épisode. Moins célèbre en France que dans son pays, elle n'en a pas moins eu également les honneurs de la bibliothèque de la Pléiade, avec un volume dirigé par Alain Jumeau qui était l'invité de notre deuxième épisode consacré au panorama de l'œuvre. Et puis pour clôturer la série, avec Olivier Larizza, nous ferons un contre-champ sur une autre écrivaine anglaise, Mary Shelley, dont nous analyserons notamment les rapports avec son mari, le poète Percy Shelley. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer à analyser l'œuvre de George Eliot et en particulier son roman Middlemarch, nous sommes avec vous, Georges Letissier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'Université de Nantes, spécialiste de la culture victorienne et néo-victorienne. Vous avez rédigé un ouvrage à l'attention des agrégatifs sur le roman monumental de George Eliot, Middlemarch, qui fait plus de 1000 pages, un roman absolu de l'époque victorienne, dites-vous, dans ce livre que vous avez rédigé en anglais et qui est intitulé « The Higher Inward Life, George Eliot's Middlemarch » et qui est apparu aux éditions des presses universitaires de Paris-Nanterre. George Eliot, c'est donc un classique, une géante de la littérature britannique, Georges Letissier. Oui, absolument. C'est une écrivaine qui concentre, je dirais, tous les grands courants culturels de son époque, qui était également très novatrice dans sa poétique romanesque. C'est une romancière aussi qui a été engagée dans son temps. C'était une femme qui a baigné dans les milieux culturels et intellectuels. C'est une femme qui a affirmé une vie en décidant de cohabiter avec l'homme qu'elle aimait dans une Angleterre victorienne que l'on a coutume de présenter comme étant très corsetée. Avec raison peut-être ou pas ? Mais je pense que c'était la voix de l'émotion et du cœur, donc c'est toujours une bonne raison. Mais est-ce qu'on a raison de présenter l'Angleterre victorienne comme étant corsetée ? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'était sans doute beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Et je pense que c'est l'un des mérites de la littérature néo-victorienne, au fond, que de s'être intéressée à ce qui était peut-être moins représenté dans la littérature, de montrer par exemple que les gens simples, les paysans, pouvaient avoir des façons de vivre qui ne correspondaient pas à l'image que l'on s'est faite de cette société régie par des codes moraux extrêmement stricts. C'est une société aussi qui va connaître une évolution spectaculaire, en fait, entre le début de l'époque victorienne en 1837 et donc la fin de l'époque victorienne en 1901, on a le décadentisme. Donc on voit bien que c'est une période qui traverse des moments qui sont très différents, une période qui va être bousculée et une période qu'il est très très difficile, au fond, de ne saisir que de manière monolithique. ce que peut-être on a eu tendance à faire dans les anthologies. Mais en tout cas, vous appliquez à expliquer à vos étudiants la nuance en la matière. Est-ce que vous en parlez beaucoup de George Eliot d'ailleurs à vos étudiants ? Alors oui, puisque j'enseigne un cours d'agrégation sur Middlemarch, mais dans la présentation de la littérature victorienne, évidemment, il y a des grands géants. Il y a Charles Dickens et il y a George Eliot. C'est les deux donc, pour vous, c'est les deux grands. Bah, je dirais que si on devait initier un public pas forcément féru de culture britannique à ce qu'a été le 19e siècle anglais, et s'il fallait trouver deux repères majeurs pour le 19e siècle en tant que création romanesque, pour moi il y a deux incontournables. Ce sont effectivement Charles Dickens. Je suis arrivé d'abord à Charles Dickens et puis George Eliot. Et puis ce sont deux écrivains qui expliquent bien aussi ce que c'était que la société anglaise du 19e siècle. Tout à fait. Alors ce sont deux écrivains que l'on a présentés comme réalistes. Alors là encore, c'est une étiquette un peu rapide parce que finalement, on voit bien que Dickens est aussi par exemple un visionnaire et que George Eliot a un réalisme qui est très, très complexe, qui est une véritable réflexion sur ce qu'est le devoir d'un romancier. Il est plus complexe donc que le réalisme chez Dickens. Ah, c'est une bonne question. Alors, disons que ce qui caractérise Dickens, que l'on a parfois, enfin c'était Trollope qui disait de Dickens que c'était Mr. Popular Sentiment. Donc, Monsieur Sentiment Populaire. Monsieur Sentiment Populaire, absolument. C'est un romancier qui a pu être lu, qui a eu un auditoire beaucoup plus large. Le roman de Dickens est en fait très très multiple, très très varié. Vous avez chez Dickens des passages qui sont quasiment hallucinatoires. Vous avez une passion pour le langage qui fait que parfois ce sont les mots qui vont induire toute la rédaction d'un paragraphe, quitte à s'éloigner un petit peu de la représentation du réel. Donc, avec Dickens, il y a quelque chose de très pluriel, d'imprévisible. Et Dickens a été repris d'ailleurs dans la littérature contemporaine, je pense toujours à Salman Rushdie, dont les satanés versiques, reprennent la petite Dorrit de Dickens. Vous allez même jusqu'à parler de postmodernisme pour évoquer Dickens. Alors, Dickens, à travers son écriture, à travers ses montages, à travers sa juxtaposition de différents univers, pourrait s'apparenter au postmodernisme. En tout cas, il a pu parler, il a pu inspirer des romanciers postmodernistes. Je pense par exemple à Peter Carey, un romancier australien. Je pense évidemment à Salman Rushdie, même si on a plutôt tendance à l'étudier à travers le filtre du postcolonialisme. Mais il y a chez Dickens une liberté de l'écriture au fond qui l'apparente à des romanciers qui sont novateurs, qui sont expérimentaux. C'est pas le cas chez Eliot. Alors Eliot, pour moi, c'est une écrivaine qui est une intellectuelle. C'est une écriture qui est très cérébrale. Son roman est un laboratoire d'idées. C'est une romancière qui est érudite et qui utilise au fond, vous parliez d'oxymore, et c'est très juste, il y a à la fois dans l'écriture de George Eliot une réflexion intellectuelle sur l'éthique, par exemple, un renvoi à des philosophes, Spinoza, Feuerbach, Strauss. Donc il y a un côté extrêmement cérébral et peut-être abstrait. Et d'un autre côté, vous avez aussi un souci de la représentation du quotidien dans une Angleterre qu'elle connaissait bien, qui était l'Angleterre de son enfance, le Warwickshire. Elle est née à Nuneaton, donc elle a grandi dans le Warwickshire, dans une Angleterre rurale, et qu'elle a su rendre à travers une démarche qui pourrait être une sorte d'anthropologie du quotidien, une attention portée aux vies minuscules, aux objets, une véritable sensation, si vous voulez, d'être de plein pied dans une vie simple, rurale. Donc à la fois une grande intellectuelle et à la fois cet intérêt pour les vies minuscules. On aura sans doute l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission, Georges Letissier. Pour terminer peut-être un petit peu sur cette comparaison de ces deux grands écrivains, Dickens et Eliot, je crois quand même que s'ils pouvaient s'apprécier un petit peu, je crois que Dickens a bien aimé le premier roman de George Eliot, il y avait quand même aussi des critiques de l'un envers l'autre. Par exemple, George Eliot trouvait qu'il y avait une approche un peu trop mécaniciste des personnages chez Dickens, qu'au fond, la psychologie, tout ça, il passait un petit peu à côté, la vie intérieure des personnages, bon, il n'avait pas bien compris, selon George Eliot, c'est ça, Georges Letissier ? Oui, alors, il y a eu, d'abord, il y a toute une tradition critique qui, au fond, façonne l'image qu'on se fait des auteurs. Et on a tendance à considérer que Dickens et Eliot seraient deux pôles antithétiques de l'époque victorienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a eu un colloque à Santa Cruz, aux États-Unis, qui s'appelle « L'univers de Dickens ». Et ce colloque, en 2017, a rendu un hommage magistral à Eliot, en intitulant ce colloque « Eliot Dickensienne ». Pour revenir un petit peu, si vous voulez, sur cette approche binaire qu'on a eue des deux auteurs. Alors, je vais évidemment dire en quelques mots ce qui les sépare, mais ils ont quand même un point commun, c'est de représenter le roman victorien à travers une intrigue multiple, à travers l'emploi de coïncidences, et puis aussi l'idée que vous avez une intrigue qui est réaliste, mais qui néanmoins s'appuie sur des éléments qui peuvent relever ou du conte de fées chez Dickens, ou bien alors qui peut renvoyer davantage à ce qui serait, si vous voulez, une représentation de la réalité du monde chez Eliot. Mm-hmm. Donc vous avez deux approches qui les unissent. Alors, ce qui les différencie, c'est que d'un côté, George Eliot accorde une part importante à, comme vous l'avez dit, l'exploration de la psychologie, aux voies intérieures. Elle utilise le discours indirect libre, mais avec une grande plasticité, avec une grande complexité. Et effectivement, alors George Eliot a partagé sa vie avec George Henry Lewes, qui était lui aussi un grand intellectuel et qui avait tendance, alors tout en reconnaissant quand même le génie de Dickens, qui avait tendance à considérer que son emploi des personnages était, comme vous l'avez dit, un peu mécaniste, ou peut-être en s'appuyant sur la biologie, qu'il s'appuyait sur des réflexes. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, une fois que vous aviez déclenché un personnage, une fois que vous lui aviez prêté un certain nombre de traits, vous pouviez vous attendre à ce que, de manière immanquable dans le reste du roman, il réagisse d'une manière que vous pouviez anticiper. Et c'était pour George Henry Lewes une simplicité, c'était peut-être une limite à la création. Alors que chez George Eliot, au contraire, les personnages peuvent évoluer de manière complètement inattendue. Oui. Ce sont des personnages in progress, dirait-on en anglais, ou absolument, in process. Voilà. D'ailleurs, c'est une citation de Middlemarch, c'est ce que George Eliot revendique. Elle considère que, et ça participe aussi peut-être d'une vision darwinienne de peut-être du cosmos, de la création, enfin du vivant, je dirais. L'idée que... On reviendra peut-être justement oui, sur cette question. On est constamment en devenir et un personnage peut avoir à affronter des épreuves et qui vont faire que il va par la volonté, si vous voulez, de dépasser certaines situations limites, il va peut-être retrouver en lui des ressources qu'il ne connaissait pas. Il va peut-être aller vers une espèce de transcendance de soi qui fait effectivement qu'il y a une part d'imprévisible dans le personnage Eliotien. Alors, on n'a pas encore dit, Georges Letissier, comment vous-même vous aviez découvert George Eliot et par quel livre. Je crois que c'est par Le Moulin sur la Flosse. Qu'est-ce qui vous avait plu finalement? Qu'est-ce qui avait résonné en vous dans la lecture de ce livre? Alors, je pense que pour des raisons personnelles, j'aime beaucoup tout ce qui est évocation de la ruralité. On peut vous demander pour quelles raisons? Parce que je suis issu d'un milieu rural et que finalement, j'ai parfois le sentiment, si vous voulez, que mon enfance est peut-être plus proche du 19e siècle peut-être le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En tout cas, dans la ruralité de la France des années 1960, vous aviez des modes de vie, vous aviez des coutumes, peut-être une façon de vivre le voisinage qui évoque, par certains aspects, l'Angleterre telle qu'elle peut être décrite par George Eliot. Comme on l'entend par exemple dans cet extrait de Middlemarch. Le trajet que firent à cheval Fred et Rosamond le lendemain matin pour se rendre à Stone Court traversait un joli coin de paysage des Midlands, presque entièrement constitué de prés et de pâturages, où on laissait encore pousser des haies d'arbustes dans leur beauté échevelée pour offrir aux oiseaux un étalage de fruits couleur de corail. De petits détails donnaient à chaque pièce de terre sa physionomie particulière. Ils sont chers aux yeux qui les ont contemplés depuis l'enfance. La mare dans un coin où l'herbe était humide et où les arbres se penchaient pour murmurer. Le chêne majestueux ombrageant un endroit dénudé au milieu de la pâture. Le haut talus où poussaient les frênes. Les toits et les meules agglutinées de la ferme sans voie d'accès discernable. La barrière grise et les claies devant les profondeurs du bois avoisinant. Et la cahute isolée avec son très vieux chaume bosselé de protubérances et de vallées moussues où jouent de prodigieuses variations de lumière et d'ombre, comme nous allons plus tard dans la vie en chercher au loin dans nos voyages, comme nous en trouvons alors à plus grande échelle, mais sans plus de beauté. Tels sont les objets qui constituent la gamme des plaisirs du paysage pour les êtres élevés dans les Midlands. Les objets au milieu desquels ils ont promené leurs pas chancelants d'enfants ou qu'ils ont peut-être appris par cœur, debout entre les genoux de leur père qui conduisait l'attelage sans se presser. Des œuvres sur France Culture. C'est beau tout de même cette description des Midlands dans cette lecture de Vanda Bénès. Il y a aussi tout le rapport avec non seulement la nature mais aussi peut-être les animaux qui peuplent la nature qu'on retrouve beaucoup à la fois dans Middlemarch et peut-être aussi dans d'autres romans, Georges de Tissier. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont les objets, que c'est la nature qui prend le roman en charge. Vous avez toute cette subtilité dans le rendu de tout ce qui peut être visuellement perçu, et le visuel est essentiel dans la littérature victorienne. Là, c'était vraiment un tableau de paysage. Tout à fait. Vous avez vraiment une structure qu'on pourrait dire ekphrastique de cette écriture. Avec, j'ai bien aimé aussi l'allusion à l'échelle. Le monde de George Eliot, il est susceptible d'être perçu à différentes échelles, du microcosme au macrocosme. Et c'est déjà en fait contenu dans ce passage. C'est un élément qui sera traité, qui sera développé dans Middlemarch, où on peut, puisqu'il est question de science, il est question de médecine, on peut s'intéresser à l'infiniment petit, mais on peut aller jusque à employer le télescope et à apercevoir le macrocosme. Et ce passage, au fond, qui est, je dirais, il y a un peu l'innocence enfantine dans ce passage, mais en même temps, il contient en germe des développements intellectuels et des développements scientifiques. Donc après, on est toujours sur ces différents niveaux qui font toute la complexité, qui expliquent aussi peut-être la longueur de Middlemarch. C'est donc plus de 1000 ou 1100 pages. Oui. Mais c'est parce que justement, un peu comme chez Proust, on l'a déjà dit dans cette série, il y a des développements qui sont à la fois des développements intellectuels, des développements de description, des analyses. Et ce roman se déploie dans sa longueur. Il se déploie dans sa longueur et il suit une multitude de personnages au fond. Donc, vous avez plusieurs intrigues qui sont menées parallèlement, et ça prend du temps. Et vous avez aussi des personnages mineurs qui apparaissent. Vous avez les domestiques, dont on peut supposer qu'ils ont aussi leur propre vie. Vous avez des matrices de récits. Au fond, chaque personnage est détenteur potentiellement d'une matrice de récits. Et ça, c'est très darwinien, c'est-à-dire que vous avez des ramifications multiples, mais vous avez des récits qui sont actualisés, et vous en avez d'autres qui ne sont gardés qu'à l'état latent de potentiel. Vous pensez qu'elle en a abandonné certains au fur et à mesure de l'écriture, en se disant « bon, finalement, ce personnage, je le laisse, il ne fonctionne pas autant que j'aurais cru ?» Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'elle se disait qu'il y a dans chaque personnage, même si elle ne peut pas lui accorder une importance évidemment équivalente au plus grand protagoniste, il y a dans chacun des personnages une pluralité. Et que c'est peut-être aussi une forme de justice à rendre que de laisser entrevoir qu'il y a dans le vivant des devenirs potentiels. Et les animaux sont aussi des témoins de cette approche. Parce que finalement, vous avez en toile de fond et parfois même sur le devant de la scène des animaux. Donc on comprend qu'ils ont une vie à part entière. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Et je pense qu'ils sont... Ils sont présentés à travers un regard qui les saisit peut-être dans ce qu'ils ont de mystérieux. Je pense qu'ils conservent une part d'irréductible qui démultiplie aussi le potentiel du roman. Et c'est là où il y a la science, justement. C'est un peu le regard entomologiste, peut-être, ou simplement le regard sur le vivant que vous sentez et que vous décrivez très bien dans votre livre. Alors, on a des personnages qui sont des passionnés d'insectologie, d'entomologie. C'était une pratique courante à l'époque victorienne, même si, au fond, l'action de Middlemarch se déroule avant l'époque victorienne. Mais, en tout cas, cet intérêt de l'époque victorienne pour la science est bien rendu à travers différents personnages, Camden Fairbrother par exemple. Et un personnage de médecin. Et bien sûr, et vous avez aussi, alors là c'est, vous avez aussi la médecine. Alors la médecine, c'est, je dirais que Middlemarch est l'un des premiers probablement romans médicaux. Et là, c'est beaucoup plus développé, puisque au fond, George Eliot présente le projet de réformer la médecine, qui est porté par l'un des personnages phares du roman, Tertius Lydgate. Et il se confronte à des médecins de la vieille école qui s'en tiennent à l'administration de médicaments et qui n'ont pas l'approche clinique que lui promeut. Donc je dirais que sur la médecine, George Eliot, qui d'ailleurs avait travaillé d'une manière extrêmement détaillée, il y a des avant-textes à Middlemarch qu'elle appelle les carrières, quarry en anglais, qui sont des carnets dans lesquels elle avait étudié des articles scientifiques publiés dans The Lancet, par exemple. Et là, on voit ce travail d'intellectuel, d'érudition, qui est aussi son travail de romancière. Et qui renvoie à un travail de documentation très important. Oui. Elle cherchait beaucoup. Je crois que, par exemple, si elle avait besoin d'un détail juridique, elle allait, absolument, encore une fois comme Proust, elle le ferait plus tard, écrire des lettres à des juristes pour savoir comment ça se passait dans telle ou telle condition. Et elle consultait ses amis. Elle avait aussi des gens qui avaient des spécialités dans différents domaines, et pour ce qui est des détails juridiques, effectivement, par exemple, là, il y a une allusion qui est faite à la morte-main dans Middlemarch. Ce sont des termes juridiques assez techniques, et elle ne se contente pas d'un à peu près, elle a une espèce de perfectionnisme, au fond, dans tout ce qu'elle fait rentrer dans ses romans. Qui transparaît et qui peut parfois être assez dissuasif, parce que on entre dans la complexité aussi dans les romans de George Eliot. Vous avez évoqué la longueur à juste titre, mais vous avez aussi une telle somme d'érudition, d'allusions à des philosophes, à l'Antiquité, à la mythologie, que c'est un puits de culture. Est-ce qu'il y a des temps morts aussi dans ce grand roman? Oui, il y a ce que je présenterais comme des vignettes où vous décrivez, par exemple, une scène de vie domestique. le quotidien, je pense à la famille Garth, où vous avez une évocation d'une famille victorienne, avec les enfants, les activités ménagères. C'est là, ça, c'est les vies minuscules dont vous parlez de oui. façon anachronique un peu, puisque c'est une Absolument. Référence à un écrivain contemporain, Pierre Michon. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça, oui. C'est comment on peut faire revivre, au fond, des scènes de la vie domestique à partir d'objets, à partir du lieu, à partir du presque rien. Comment le presque rien donne naissance finalement à tout un univers et fait renaître, fait revivre des personnages qui n'auraient pu être que des fantômes. Parmi ceux qui se soucient vraiment de connaître l'histoire de l'homme et de savoir comment se comporte ce mystérieux composé lorsqu'il est soumis aux expériences diverses du temps, qui ne s'est arrêté au moins quelques instants sur la vie de Sainte Thérèse ? Qui n'a souri avec un peu d'attendrissement à la pensée de la petite fille s'avançant un matin, donnant la main à son frère encore plus menu qu'elle pour aller chercher le martyre au pays des morts ? La nature passionnément idéaliste de Thérèse exigeait une vie épique. Que signifiaient pour elle les romans de chevalerie en plusieurs volumes et les conquêtes mondaines d'une brillante jeune fille ? Sa flamme eut au fait de dévorer cet aliment léger, puis, nourrie de l'intérieur, cette flamme s'éleva à la poursuite de quelques satisfactions illimitées, de quelques objets qui jamais ne justifieraient le découragement, qui permettrait de désespérer de soi tout en gardant la conscience extatique d'une vie au-delà de soi. Son épopée, elle la trouva dans la réforme d'un ordre religieux. Cette Espagnole d'il y a 3 siècles ne fut assurément pas la dernière de son espèce. Plus d'une Thérèse est née qui n'a pas trouvé moyen de mener une vie épique marquée par le constant déroulement d'actions retentissantes. Peut-être n'ont-elles connu qu'une vie d'erreur, engendrée par une certaine grandeur spirituelle mal assortie à la médiocrité des occasions. Ou encore un échec tragique qui, faute de rencontrer un poète sacré, sombra dans l'oubli sans être déploré. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une lecture par Manuela Morgan de ce prélude à Middlemarch dans lequel George Eliot prend exemple de Sainte Thérèse. Pour dire quoi, finalement, Georges Le Tissier ? Alors d'abord, on peut évoquer la structure musicale quand même de cette œuvre qui commence par un prélude et qui se terminera par un finale. Le rapport à l'art est largement souligné par Mona Ozouf. Tout à fait. Il y a d'ailleurs quelques personnages d'artistes dans Middlemarch, et notamment de musiciens, parce que c'est les Absolument. Musiciens qui comptent vraiment pour À très juste titre. Et pour revenir sur le rôle de Sainte Thérèse d'Avila, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Au début d'un roman victorien, je pense que l'idée, c'est tout simplement que les personnages qui vont apparaître dans Middlemarch sont des personnages qui vivent à une époque où il n'y a plus les défis d'une épopée. Il n'y a plus de mort à bouter hors d'Espagne. Il n'y a plus finalement de grandes causes comparables à celles que avait dû relever finalement Sainte Thérèse d'Avila. Et que du coup, on va passer de l'épopée à ce que, à la fin du roman, on appellera l'épopée domestique. C'est-à-dire qu'au fond, même s'il n'y a plus de grands défis à relever, il peut y avoir une multitude de petites choses à faire, qui de façon cumulative contribuent néanmoins à écrire l'histoire. C'est-à-dire que c'est une leçon d'humilité, c'est une leçon de modestie. Dorothea, puisque c'est elle, Dorothée, c'est elle qui est introduite dans ce prélude, elle n'aura pas une grande cause. Oui, parce que c'est un personnage qui, au début du roman, est totalement exalté et souhaite en effet changer le monde, on peut dire oui, ça comme ça. Oui, absolument. Alors, elle change le monde, elle veut changer le monde, elle a des objectifs très concrets. Elle veut, par exemple, améliorer les conditions de vie des métayers qui travaillent pour son oncle. Elle a une volonté de promouvoir ceux qui sont démunis. elle a une forme d'humanité et elle a une ambition aussi. C'est une jeune femme, elle est très jeune au début roman, elle a 19-20 ans, elle veut peut-être porter sa marque. Et puis au fond, la vie lui apprendra que il y a des renoncements et que le peu que l'on a pu contribuer à faire, c'est néanmoins, au bout du compte, peut-être quelque chose qui aura contribué à écrire une toute petite page dans l'histoire. Quelque chose qui n'est pas historique, quelque chose qui n'est pas spectaculaire, mais qui néanmoins participe d'un devenir. C'est là peut-être où Middlemarch est un roman qui est encore assez contemporain, qui se lit très bien aujourd'hui, en tous les cas dans ses thèmes, dans ses sujets, avec cette idée qu'on n'est pas dans des temps d'épopée, mais que malgré tout, il y a beaucoup à faire. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est important et ça participe aussi d'un projet éthique. C'est-à-dire que, vous savez, George Eliot renonce à la foi. Elle a été éduquée dans un milieu évangéliste et elle va choisir l'apostasie. Mais en même temps, elle pense que l'amour qui est prôné dans la chrétienté, même s'il n'y a plus les figures divines tutélaires, cet amour, il peut néanmoins servir les relations sociales. Et c'est en ce sens que le projet de George Eliot n'est pas uniquement un projet romanesque, un projet de divertissement ou peut-être une ambition culturelle qui serait coupée du monde. Il y a véritablement la volonté de peut-être contribuer à humaniser la société dans laquelle elle vit. La beauté de Mademoiselle Brooke était de la sorte que semble mettre en relief une tenue modeste. Elle avait la main et le poignet si bien dessinés qu'elle pouvait porter des manches tout aussi dépourvues de style que celles avec lesquelles la bienheureuse Vierge apparaissait aux peintres italiens. De plus, la simplicité de ses vêtements semblait conférer à son profil, ainsi qu'à sa stature et à son maintien, un surcroît de dignité. Car à côté de la mode provinciale, sa tenue lui donnait le prestige qu'acquiert une belle citation de la Bible ou d'un de nos poètes anciens au milieu d'un paragraphe dans le quotidien du jour. On disait généralement d'elle qu'elle était remarquablement intelligente, mais en ajoutant que sa sœur Célia avait davantage de bon sens. Célia, cependant, ne portait guère plus d'ornements. C'est seulement aux yeux d'observateurs attentifs que sa tenue différait de celle de sa sœur, et qu'une nuance de coquetterie apparaissait dans sa façon de s'apprêter, car la simplicité de mise de Mademoiselle Brooke était due à un ensemble de conditions diverses dont sa sœur partageait la plus grande partie. Lecture par Wanda Ménès des premières lignes de Middlemarch. C'est important quand même les premières lignes d'un roman. Et là, on a tout de suite le contraste entre les deux sœurs Brooke, Dorothea, et puis l'autre sœur qui ne s'habille pas pareil, qui est finalement peut-être plus narcissique, enfin qui a en tout cas envie d'apparaître. Donc si ce sont les premières lignes, on imagine que c'est parce que George Eliot voulait poser quelque chose avec ces deux personnages. Est-ce que c'est le cas, Georges Letissier, et qu'est-ce qu'elle pourrait bien vouloir poser dans cette mise en opposition de deux personnages dissemblables et pourtant sœurs? Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, le roman Middlemarch, il est la rencontre de deux textes. Elle avait écrit un texte qui était Miss Brooke. Donc il y avait eu un intérêt au départ sur une comparaison de deux personnages, ces deux sœurs. Donc Dorothea, on voit bien que d'une certaine façon elle représente l'histoire. Elle a les traits du puritanisme en elle. C'est comme si au fond elle était l'histoire incarnée, comme si elle représentait dans cette Angleterre donc des années 1829-1830 tout un héritage historique. Donc le passé dont Virginia Woolf disait que George Eliot était finalement vivait encore trop dans le passé. Oui. Oui, on pourrait dire que c'est un peu elle quand même dans ce personnage. Alors Ah oui, ça a souvent été dit qu'elle est assez proche de Dorothée, alors que Célia est plus un personnage coquet, peut-être un personnage plus superficiel, un personnage plus léger, qui sera dans une désapprobation de son choix de Kosobon comme époux, qu'elle voit comme quelqu'un de moche, elle voit une verrue avec des poils dessus, elle entend qu'il fait du bruit quand il mange. Cela dit, elle n'a pas tort, parce qu'à la fin, malgré son physique disgracieux, il est également quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan intellectuel. Tout à fait. Mais Dorothea va être complètement leurrée. Elle voit dans Kosobon la promesse de l'érudition, la promesse d'accéder à une vie intellectuelle à laquelle elle aspire. Et on voit bien le contraste entre ces deux sœurs, entre Dorothée qui est présentée quand même comme un personnage assez introverti, qui est beaucoup dans la réflexion. Et le personnage de la sœur qui, lui, croque la vie, on a envie de dire. Mais alors, il y a beaucoup de mismatches, de couples qui ne fonctionnent pas bien dans ce roman, parce que du coup, chacun se marie un petit peu avec la personne avec qui elle n'aurait pas dû se marier. Est-ce que c'est aussi quelque chose, est-ce qu'il faut y lire une manière de voir la vie, par exemple, de George Eliot, ou est-ce qu'il faut y lire un message quelconque? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, George Eliot, elle a vécu une vie qui correspondait en tout point à ses aspirations, à travers la vie qu'elle a partagée avec George Henry Lewis, et puis après avec John Walter Cross, qui était de 20 ans son cadet. Mais paradoxalement, alors que elle aurait plutôt profiter d'une vie qui lui convenait, elle met ses personnages dans des relations qui ne leur conviennent pas. Donc le médecin, c'est le cas de Dorothée, c'est le cas du médecin Tertia Steadgate avec son épouse Rosamond qui est dépensière, qui peut-être lui reproche de ne pas lui consacrer suffisamment de temps, tout absorbé qu'il est lui dans ses recherches. Donc on a toute une succession comme ça de personnages qui vivent ensemble et qui finalement se font mutuellement du mal au bout du compte. Et alors il y a quelque chose autour de la rencontre qui ne se fait pas, parce que le médecin Lightgate, qui est un idéaliste, devrait logiquement se marier avec Dorothea Brooks, qui est également une idéaliste. Mais le moment de la rencontre ne se fait pas. Alors il se fait avec d'autres gens avant de se faire. Le roman a été conçu de telle façon que on envisage pendant un certain temps cette rencontre comme possible et comme fort probable. Et on parlait en début d'émission de l'imprévisible. Je pense que d'une certaine façon, c'est une attente qui peut naître chez le lecteur qui ne sera pas concrétisée. Parce que il y a effectivement des points communs entre ces deux personnages, parce que Lydgate lui aussi a des aspirations intellectuelles et un projet scientifique. Mais c'est vers Kosobon, vers cet érudit qui veut écrire une clé de toutes les mythologies, que Dorothée va finalement se tourner. Alors là, il faut relire David Lodge, ce que vous faites d'ailleurs, Georges Letissier. Donc David Lodge, l'écrivain qui a beaucoup parlé du monde universitaire, c'est sans doute un écrivain qui doit vous faire beaucoup rire, et qui a aussi écrit L'art de la fiction, qu'on peut lire d'ailleurs en français, puisqu'il a été publié chez Rivage en 1992. Et alors lui, il explique que finalement, la rencontre entre le docteur Lightgate et sa femme, donc sa femme qui finalement n'est pas la femme qu'il aurait dû avoir ou prendre pour être heureux, eh bien tout se joue autour de cet épisode de la rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Alors l'épisode de la rencontre, c'est que finalement il va être subjugué par cette femme, Rosamond Vincy, qui concentre en elle un petit peu tous les canons de la beauté à l'époque victorienne. C'est quand même un homme qui a aussi connu une histoire amoureuse quand il était en France, à Paris, avec Laure la Provençale. Et il retrouve un peu dans Rosamond la femme fatale, une incarnation de la femme fatale. Et puis il y a cette voix flûtée aussi à laquelle il sera sensible. Et donc c'est un mirage un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de Il y a une espèce de cristallisation comme ça de l'essence féminine peut-être que à laquelle Lydgate est sensible et qui va bousculer radicalement son destin. Et David Lodge souligne que au fond, quand il va chez elle, il n'a pas du tout l'intention d'y aller pour un motif amoureux, mais la surprise de la visite, un petit peu pour les deux protagonistes, va créer une espèce de d'électricité qui fait que tout d'un coup, les deux protagonistes se sentent comme dans une scène d'amour. Et donc le sentiment là est vraiment très très fugace, mais il est d'autant plus intéressant, il les intéresse d'autant plus qu'il leur paraît véritable. Ça ressemble à un coup de foudre, c'est peut-être d'ailleurs ça, un coup de foudre, mais ça n'est pas plus profond que cela. Alors c'est un coup de foudre. De George Eliot, on a souvent dit qu'elle ne savait pas vraiment représenter l'érotisme ou l'amour physique. Mais là, il y a peut-être, c'est peut-être dans cette rencontre qu'elle va le plus loin pour rendre ce qui pourrait être la magie d'un instant, le love at first sight, si vous voulez. Qui repose effectivement sur des critères assez superficiels, mais on est au moins très puissant. Il ne faut pas se fier au coup de foudre, nous dit George Eliot. C'est triste. Voilà. Oui, et puis il le paiera cher finalement, Lydgate, parce que comme vous l'avez dit, c'est un mismatch, c'est un couple qui va rencontrer beaucoup d'obstacles et qui va avoir du mal à durer. Ce que l'opposition middlemarchienne disait du nouvel hôpital et de son administration rencontrait sans nul doute de nombreux échos, car les cieux ont pris soin de ne pas accorder à tout le monde le don d'invention. Mais il existait des différences représentant toutes les nuances sociales, depuis la modération bien élevée jusqu'aux affirmations catégoriques. Madame Dollop renforçait sans cesse sa conviction que le docteur Lydgate voulait laisser les gens mourir à l'hôpital, sinon les empoisonner, afin de pouvoir les couper en morceaux sans leur en demander la permission ou l'autorisation. En effet, c'était une rivalité bien connue qu'il avait voulu dépecer Madame Gobie, une des femmes les plus respectables de Parley Street, même qu'elle avait eu de l'argent en dépôt avant son mariage. Mais de quoi se vanter pour un docteur, vu que s'il était bon à quelque chose, il devrait savoir de quoi vous souffrez avant que vous en mouriez, au lieu de vouloir vous inspecter les intérieurs après votre décès. Si ça, c'était pas la raison, alors elle voudrait bien savoir ce que c'était. Mais parmi son auditoire prédominait le sentiment que cette opinion était un rempart et que si on le renversait, il n'existerait plus de limite au dépeçage des corps. On ne voulait pas de ce genre de crime à Middlemarch. Lecture toujours par Wanda Beness. Alors la rumeur, les ragots, c'est assez drôle hein, quand même cet extrait aussi. On pourra parler de l'humour chez George Eliot. Mais d'abord, la question de la rumeur dans une petite ville comme ça, c'est un thème qui vous intéresse ? Oui. Alors, moi, je trouve que George Eliot, elle a l'intuition de ce que seront les réseaux sociaux. Parce que vous avez tous ces on-dit qui prennent en charge l'action du roman à un certain moment. C'est-à-dire que vous avez dans ces deux établissements, il y a deux tavernes hein, qui sont fréquentées par les habitants de Middlemarch, par les hommes principalement. Et vous avez cette tenancière donc qui commence à lancer les rumeurs les plus improbables. Et ce que montre George Eliot, c'est que d'une rumeur à l'autre, d'un propos repris par différents personnages, on finit par faire naître un fait auquel on prête toute la vraisemblance du réel. Une infox, comme on dirait. C'est une infox, absolument. Et ce que le roman rend, c'est le dynamisme, c'est la force de contagion de la rumeur qui s'amplifie, qui va en gonflant et qui ne connaît aucune limite. Et là, il s'agit évidemment des rumeurs sur cette nouvelle médecine. dont tout le monde se méfie, pensant que ces médecins pratiquent la vivisection, pensant qu'ils, l'examen clinique, bon, ils vous regardent, mais ils ne font rien, ils ne donnent pas de médicaments. Et après, évidemment, comme ça touche à la vie, ça touche au corps, ça suscite, si vous voulez, les fantasmes les plus invraisemblables. Donc rien n'a changé, en fait, c'est ça que rien n'a changé. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est traqué avec beaucoup de dynamisme et que ça emporte complètement le récit. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous avez l'impression qu'il n'y a même plus de narrateur, c'est la rumeur, au fond, qui constitue le texte. Et un texte qui peut aller jusqu'à coloniser tout ce qu'il trouve. Enfin, la rumeur se repaît de tout ce qui se trouve sur son passage. Et ça, George Eliot le rend d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui fait aussi, justement, son entrée et sa sortie, elle, en tant qu'autrice, en tant que narratrice dans le texte, et qui est peut-être assez moderne aussi, oui. Georges Letissier. Oui, il est assez moderne parce qu'il multiplie les filtres, au fond, de narration. Tout à l'heure, quand on lisait la présentation des sœurs Brooke, au début, là, dans l'Incipit, dans le début du roman, il y avait constamment « on disait d'elle ». C'est-à-dire qu'on n'a pas un narrateur qui va asserter, qui va vous donner tout de suite le fin mot de l'histoire concernant ces personnes, enfin ces personnages, je dis ces personnes, ces personnages, mais vous avez des interfaces, vous avez des intermédiaires, et au fond, on n'a qu'une perception indirecte du personnage, comme si c'était déjà des voix qui s'interposaient, ou alors on les compare à des tableaux. Donc comme si la peinture aussi, à travers la description qui est faite de personnages dans les peintures, comme si vous aviez aussi une façon de rendre les sœurs Brooke. Donc vous avez déjà une façon d'interposer, si vous voulez, de multiples filtres qui me semblent très modernes. Et l'humour alors, parce qu'on a entendu quand même dans cet extrait, on rit à de nombreux moments quand même. On rit, oui. On rit aussi dans un épisode où l'oncle Arthur Brooke, qui va se présenter aux élections, c'est évidemment avant la première réforme de 1832, et l'oncle des sœurs Brooke, il a des ambitions politiques. Mais c'est un personnage qui n'est pas véritablement orateur. Et il y a une scène où il est vraiment conspué par la foule, où il se trouble dans son discours, où il y a une espèce de polichinelle qui répète comme un perroquet tout ce qu'il dit, et le pauvre homme est obligé de quitter le balcon où il s'adressait au public, parce que il est humilié publiquement, et il met fin à ses ambitions politiques. Mais cette scène, elle est vraiment traitée sur le mode de la farce, du grotesque. Je sais pas, il y a quelque chose de très bakhtinien aussi dans la manière où cet épisode assez sacralisé, qui est celui d'un discours politique, qui est censé préparer l'avenir du pays, devient un véritable numéro de clownerie. Et c'est vrai que c'est très drôle. Je lus à cette époque un roman qui me renvoya à l'image de mon exil. Le moulin sur la flosse de George Eliot. Brune, aimant la nature, la lecture, la vie, trop spontanée pour observer les conventions respectées par son entourage, mais sensible au blâme d'un frère qu'elle adorait, Maggie Tulliver était comme moi divisée entre les autres et elle-même. Je me reconnus en elle. Je ne concevais que l'amour-amitié. À mes yeux, des livres échangés et discutés ensemble créaient entre un garçon et une fille des liens éternels. Je comprenais mal l'attirance que Maggie éprouvait pour Stéphane. C'est au moment où elle se retirait dans le vieux moulin, méconnu, calomnié, abandonné de tous, que je brûlais de tendresse pour elle. Je pleurais sur sa mort pendant des heures. Les autres la condamnaient parce qu'elle valait mieux qu'eux. Je lui ressemblais. Et je vis désormais dans mon isolement, non une marque d'infamie, mais un signe d'élection. Je n'envisageais pas d'en mourir. À travers son héroïne, je m'identifiais à l'auteur. Un jour, une adolescente, une autre moi-même, tremperait de ses larmes un roman où j'aurais raconté ma propre histoire. On a là le témoignage d'une lectrice, une lectrice célèbre sur George Eliot. Vous savez de qui il s'agit, c'est Simone de Beauvoir qui a écrit ce texte pour dire à quel point Middlemarch avait été un livre important pour elle. Ça a parlé aux lecteurs, ça parle aussi évidemment aux lectrices et encore aujourd'hui. Oui, alors j'ai cru reconnaître un hommage rendu à Maggie Tulliver et puis à Tom dans Le Moulin sur la rivière Floss. Et cet intérêt évidemment pour la condition des femmes que l'on trouve dans l'écriture de George Eliot. Alors là aussi, peut-être un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que en tant que femme, George Eliot a su imposer son émancipation. Elle a été finalement mise au banc de la société victorienne par les choix qu'elle a pu faire de vivre avec un homme marié, qui avait des enfants, etc. Et paradoxalement, dans ses romans, on peut penser au Moulin sur la rivière Floss, mais on peut penser aussi à Middlemarch, les personnages féminins sont contraintes à une forme de renoncement. Au fond, c'est le cas de Dorothea, qui va partager sa vie avec Casaubon, et puis qui peut-être, enfin, dont il est dit à la fin qu'elle épousera Will Ladislaw, mais on n'a qu'une description assez rapide dans le finale de ce que la vie de Dorothée a pu être, et elle vit dans l'ombre de ce deuxième personnage, Will Ladislaw. Donc les femmes ne sortent pas vraiment de leur milieu, enfin n'arrivent pas à être, comme on l'a déjà dit un petit peu hier, émancipées réellement. Dans ce que vous venez de dire aussi, Georges Letissier, il y a quelque chose sur le final, sur la fin des romans, et là encore vous faites une comparaison très intéressante entre l'aujourd'hui de la manière dont c'est traité dans les séries télé, ces fins, et la manière dont c'est traité dans Middlemarch. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Ah oui, alors j'avais pensé à... En fait, le défi, c'est comment faire aimer Middlemarch à nos contemporains, et en particulier à un public d'étudiants. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, c'est quand même un roman qui présente un univers distant de nous. Et je me suis dit, il y a une série qui s'appelle Six Feet Under, On a fait une série d'émissions nous-mêmes à la compagnie sur Six Feet Under. Je trouve que le dernier épisode de la dernière saison est absolument magistral parce que il imagine, il présente un personnage qui est en voiture, qui quitte ses proches, et cette progression en voiture permet de convoquer. De faire revenir tous les personnages et de les présenter vieillissants. En flash forward. Voilà, en flash forward. Donc, au fond, c'est une fin qui ne veut pas finir, qui négocie une forme de compromis entre montrer qu'il y a des devenirs pour chacun de ces personnages, mais en même temps, avec cette fuite en avant vers le futur, on a quelque chose comme une lente agonie. Et dans le finale de Middlemarch, il y a quelque chose d'assez semblable, au fond. Parce qu'on passe à un autre niveau du récit. On n'est plus dans un temps lent qui fait exister sur une période définie entre 1829 et 1832 toute la vie d'une communauté. Mais on est transposé dans un futur qui va très loin. On apprend par exemple que Rosamond se mariera pour une deuxième fois. Alors ne dites pas tout quand même, non, parce que les pauvres lecteurs, on leur a déjà dit un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de véritable dénouement de ce qui constitue vraiment la pièce maîtresse du roman. Et vous avez cette espèce de finale en trompe-l'œil, qui n'est pas non plus complètement un dénouement, parce qu'il nous transpose dans une autre dimension du temps, et même dans une autre dimension de la création littéraire. C'est presque un ajout, c'est un sequel, comme on dirait en anglais, à un roman qui existait déjà par lui-même. Mais qui permet quand même d'étancher un petit peu la soif de volonté de connaître la suite. C'est ça. Après, en effet, le gros roman qui ne peut pas. Voilà, on n'est pas totalement frustré. On a comme une petite compensation. Voilà, exactement, comme dans Six Feet Under. Merci beaucoup à vous, Georges Letissier, pour aller plus loin. Si on lit l'anglais, on peut se reporter à votre livre consacré à Middlemarch aux presses universitaires de Paris-Nanterre, intitulé The Higher Inward Life. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie des revues, vous êtes aujourd'hui proposé par Alexis Broca du magazine Lire, le magazine littéraire. Bonjour à vous Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Georges. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un indémodable. Oui, je vais vous parler d'un indémodable et du grand dossier que nous consacrons à la figure charismatique d'Arthur Rimbaud. Alors, nous avons décidé de réaliser ce dossier à l'occasion de la reparution de la biographie de Jean-Jacques Lefrère chez Bouquin, sans imaginer une seconde qu'une pétition surgirait pour mettre, une pétition qui réclame que l'on mette Rimbaud et son ex Paul Verlaine au Panthéon. Peu importe ce que je pense de cette pétition. En tout cas, ce que je pense de cette pétition, cela tombe bien. Et on commence ce dossier par, évidemment, la biographie et l'événement. Donc on commence par un grand papier biographique qui permet de disperser quelques vieilles légendes rimbaldiennes. Non, Rimbaud n'a pas constitué de recueil de poésie de son vivant, hors Une saison en enfer. Non, il ne s'est pas converti au christianisme alors qu'il agonisait à l'hôpital de la Conception. En revanche, il s'est peut-être confessé, et c'est peut-être sa sœur Isabelle Rimbaud qui a pris cette confession de complaisance faite pour lui faire plaisir, pour une conversion. Et surtout, non, les 16 années de silence poétique et d'aventure commerciale de Rimbaud en Afrique ne furent pas le désastre ordinairement décrit. Bon, alors vous vous êtes intéressé à la vie, évidemment, c'est important, oui. Mais sans doute pas qu'à cela. Donc, évidemment, on s'est penché de près sur l'œuvre de Rimbaud. On a notamment un très grand papier de Jean Montenot qui nous raconte les pérégrinations marines et sous-marines du bateau ivre. Nous avons un article aussi de l'universitaire japonais Yoshihito Tajima qui est un spécialiste des couleurs dans l'œuvre de Rimbaud. Évidemment, il s'intéresse au sonnet voyelle. Est-ce que vous saviez, Mathieu, qu'à sa façon, le sonnet voyelle pouvait être interprété comme une réécriture de la Genèse ? Pas du tout, je ne savais pas. Et le A noir des mouches éclatantes qui bombitent autour des puretés cruelles, c'est évidemment le néant. Puis le E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc frissonnant belle, ben c'est la lumière, hein, c'est le Fiat Lux. On a aussi un très bel article du poète et éditeur Louis Chevalier qui nous montre en fait comment est-ce que Rimbaud fait évoluer l'alexandrin et sa métrique. Au début, en fait, dans les poésies de jeunesse, Rimbaud respecte globalement la césure à l'hémistiche. Et puis, dans L'homme juste, il va placer une césure en plein milieu d'un mot. Et cependant silencieux sous les pilastres, ce qui nous oblige à faire une diérèse démesurée. Et Rimbaud réutilise aussi la césure lyrique, qui est la césure en e muet, la finale en e muet à la césure, avait été bannie en fait depuis l'époque des troubadours. Et enfin, il va encore plus loin. Vous n'avez pas un exemple pour nous dire un peu ce que ça donne? Ah, je l'ai pas en tête, je suis désolé. En fait, j'ai quelques exemples en tête, mais pas cela, c'est dommage. Et surtout, je suis pas sûr que j'arriverai à le prononcer. Parce comme les troubadours. Voilà, il se trouve que le e muet, voilà, prononcé aujourd'hui est très est un peu choquant pour l'oreille. Et ce qui fait intéressant aussi, c'est qu'il déstructure le vers et il déstructure en s'intéressant à ce qu'il appelait les rythmes naïfs, c'est ceux des chansons populaires. Et c'est ce qu'on trouve dans la fameuse chanson de la plus haute tour, dans cette espèce de refrain « Ah, que le temps vienne, où les cœurs s'éprennent ». Alors sur le silence de Rimbaud, tout de même, chacun s'interroge, ouais. 16 années sans poésie, est-ce que vous avez une explication ? Alors, je peux pas dire que j'ai une explication définitive sur le silence de Rimbaud, mais lorsqu'on lit avec un tout petit peu d'attention la biographie de Lefrère, eh ben, on voit bien que ce silence, tout à coup, il est beaucoup moins mystérieux. Il apparaît que Rimbaud voulait réussir dans la vie, au sens matériel du terme. Hein, c'est l'héritage de sa mère, solide paysanne de la ferme des Roches, de la ferme de Roches. Et évidemment, la poésie pour laquelle il était tellement doué aurait dû lui permettre d'accéder à cette réussite. Seulement, lors de son séjour à Paris, alors qu'il est hébergé chez Verlaine, Rimbaud s'ingénie à se fâcher avec tout le monde. Et je peux vous dire qu'il faut un certain talent pour se fâcher avec les vilains bonshommes ou les membres de la confrérie jésuitique. Aujourd'hui, en fait, on dirait qu'il s'est grillé. Il a brûlé tous ses vaisseaux, il s'est fâché avec tous ses soutiens. Et puis, il y a le choc de la mort de sa sœur, qui s'appelait Vitalie, et sur lequel David Le Bailly, qui a écrit un très bon texte sur l'autre Rimbaud, nous explique, voilà, il nous parle, il nous dit que c'est peut-être décisif. Et voilà, et tout ça fait que Rabault en fait renonce à la poésie, et il va chercher d'autres chemins vers la réussite. Cet autre chemin, c'est l'Afrique, et il va devenir négociant à Aden ou à Harare pour les frères Bardet. Il renonce complètement à toute ambition poétique, parce que la poésie ne peut plus le mener nulle part. Et en fait, à sa mort, ses employeurs, les frères Bardet, seront vraiment stupéfaits d'apprendre que leur employé, qui était si fiable, mais aussi si désagréable, si acerbe, si taiseux, avait un passé poétique. Eh bien, merci beaucoup à vous, Alexis Broca. C'était la Compagnie des œuvres. On se retrouve demain pour parler cette fois de Mary Shelley, et notamment de son rapport avec son mari, Percy Shelley.